J'ai recording. Bon là je suis dans le truc là, après je monte. Ah, tu veux dire faut que j'aille sur le site? Allô? Non, je sais pas. Ah ouais, bah je m'entends dans mon téléphone. Ouais. Non, mais il y a du delay, ça c'est sûr. Donc. Bah attends, je vais raccrocher le téléphone. Et puis on va en faire. Là, il y a le. Non, moi je t'entends pas, moi. En fait, si tu m'entends. Allô? T'es là? En tant que. Ouais. Ah ouais, ok, c'est Allô? bon, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Là, je suis connecté sur les deux flux, en fait. Ouais, je t'entends, ouais. Allô, Ouais, allô? ok. En fait, si t'as. Ouais. T'as le chat à côté, hein, si tu veux, aussi. Ah ouais, attends, je vais mettre en chat, attends. Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Donc attends, je vais essayer de voir ce que tu me disais là. Le live streaming. Attends, faut que j'installe Real Player. Ouais, ok. Attends, en fait, faut que j'installe Real Player, j'ai pas de. Ok. Ouais, le truc c'est qu'il y a. Ah ouais, donc voilà, maintenant. D'accord, ok, ouais. Ok. Oui, allô? Ouais, On a contacte quoi? Sandrine, comme ça elle peut écouter. Alors, est-ce que tu es à côté de mon Et je pense ordi qu'il y avait, on a essayé là? Ok. des tests, là, En juste fait, je suis avec en elle avant. test sur un Et serveur ça marchait pas chez local. elle, mais je pense que ça doit Bah, tu venir sais. de l'ordi. Et Hein? en fait, ouais, je suis en train de t'envoyer un mail. Et en fait, il faudrait que tu. Enfin, si t'as eu un peu de temps. En fait, c'est un mail avec un lien d'un serveur Donc en fait, ouais, si tu peux checker ton... Attends. C'est assez bizarre en fait, je vois pas tirer, je m'entends, Alors peut-être que t'arrives payeur ou pas? Enfin, tu vas voir quand tu vas cliquer sur le lien. Là en fait on est trois là, il y a son pote à Berlin, Thierry et moi, et en fait je veux juste tester si comment ça marche quand quelqu'un d'autre se connecte. C'est le deuxième. Non, c'est quand il y a marqué écoute. Ouais, écoute sur live stream, tu cliques sur super. Normalement il t'ouvre Real Player, il te met en tampon. Ouais, c'est pareil, c'est bon, ça marche. Donc normalement il va mettre en pause et quand ça arrivera à 100% tu devrais tout entendre. Ouais. Ah ouais, bah alors attends, ah ouais, non, t'as installé Ninjam ou pas? Parce que nous en fait on utilise le chat. Donc en fait si tu veux, alors si tu veux aussi utiliser, ouais. D'accord, déjà, ouais, déjà éteins le téléphone, si tu t'écoutes, dis-moi si t'en parles. Ok, ça marche. Par contre, tu peux couper le métronome, tu mets sur mute. Parce que là, je t'entends tac, tac, clac, clac. Ok, cool. Et Thierry? C'est pas tout foutu. Ouais. Bah attends, je vais. Là, c'est bon, j'ai fini d'installer Will. Je vais le lancer pour voir si ça fonctionne. Donc, je baisse mon truc à moi. Ok, yeah. Eh oui, c'est le delay, c'est normal. Bien. Alors attends, je vais essayer de mettre le lien. Ah, putain. Ouais, bon ben en fait je peux pas ouvrir, il veut pas ouvrir Reel parce que j'ai déjà utilisé l'audio, donc mais bon de toute façon moi c'est pas un J'ai souci, l'impression qu'en fait le pas besoin d'installer 15 milliards de trucs, je sais que ça marche. Après faut voir si Sandrine c'est un problème d'internet, mais je pense pas, je pense que c'est plus lié à l'ordi en fait au niveau de l'audio. En tout cas ça marche, donc voilà. Par contre, oui, c'est vrai, c'est ça à quoi je pensais, Olive. C'est que bah, d'utiliser Nimbot, en fait, a priori, n'importe qui peut se brancher. Donc après, c'est ça le truc. Il faut pas qu'il y ait 50 milliards de personnes qui. Pas 50 milliards, mais s'il y en a un qui vient s'amuser à faire le con, ben voilà, ça peut être un peu ça le truc. Après, je sais pas, faut voir. Je pense que tu as toujours le métronome d'allumé. Par contre, je n'entends plus, moi. Sandrine, t'es là? Je vais faire un peu de musique. Pourquoi ça enregistre là? Attends, je vais couper, je vais essayer de. Sur le site. télécharge le .exe là. Après, il va falloir en gros, enfin, si c'est ça, hein, c'est ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a la caractère en fait, déjà, enfin, je peux utiliser ces drivers à la carte de code. Et s'il se trouvait que ce soit ces drivers-là, en fait, je fonctionne avec le Java. Enfin, pour l'instant, je vois que ça, puisque moi, mon ordi est neuf, j'ai rien installé. C'est bon ça, c'est installé ou quoi là? D'accord. Ouais. Ouais, non, pour l'instant t'installes. Ouais, t'installes. Enfin, tu. Tu vas aller dans options. Thierry? Ouais, j'ai pas de Sandrine en fait. Je voulais juste te demander.